subtil, le plus sans sas que tous ces mots que tu murmures. Bien, à l'abri, toi qui fais face, combien se pressent à ta serrure. Combien se servent de ta force et qui s'efforcent de te dire, de te prouver que ta présence, c'est sans effort qu'elle nous rassure. Toi qui sensible, tu peux tout derrière ce mur. Toi qui sens où tu peux sauver tant de galets. Toi qui toujours tu fais la part de ceux qui trichent. Toi qui tout simple tu penses toutes les blessures. Y a-t-il un lion au fond des voies qui nous attachent? Est-il enduré ce de l'or, toute cette magie que tu dégages? La lumière quand tu scintilles, car tu sais porter les paillettes. Dans le reflet de tes lunettes, tes deux yeux brillent comme un rubis. Réduire ce que tu mates, qui peut séduire ce que tu aimes, qui va prouver que tu me soignes quand tous mes maux sont dissipés. Ta puissance a ses limites. Oh, ta puissance a ses limites. Qui veulent, quand tous les soirs, tous les cocktails coulent dans nos veines et nos gosiers. De la poussière sur les années où les doyens nous ont vu naître, elle est poussée dans les fenêtres que le vent souffle à sa mesure. Thank you. Vecteur de phrase, souffleur de vers, les phrases en phrases, les vers en verbe, les fables en barre de riz complet, les fables en barre de riz complet. Aider juste à faire du bien, se sentir juste dans ses baskets, juste ressentir que sans dessein, les gens qu'on aime sont précieux. Les gens qu'on aime sont précieux. Thank you. Thank you.